Les dépravés, septième chapitre. Si cependant Maximilien voulait, se dit-il, quand il fut rendu à lui-même, tout dépend de lui. Est-ce que ma réputation, mon mandat de député, ne feront pas partie de son patrimoine? De ma vie, je ne l'ai contrarié en quoi que ce soit. Nous verrons si le premier sacrifice que je lui demanderai, il me le refuse. Maximilien entra pour le déjeuner. Il était de ces fils que leurs parents ne voient guère qu'à l'heure des repas. « Jamais tu ne devinerais la corvée qui m'attend, » lui dit son père. « Si tu es un bon fils, tu la partageras avec moi. Je ne me sens pas la force de l'accomplir tout seul. »« Il ne s'agit pas de quelque mauvaise affaire, au moins, » fit Max. « Sais-tu chez qui nous dînons demain ?»« Chez le père Mathusem, qui est venu tout à l'heure déposer une invitation à mes pieds. »« Comment ?» Chez cet anthropophage? Et tu as accepté? Il insistait tant. Et puis franchement, je lui dois beaucoup. Voilà 4 journées qu'il perd uniquement pour m'être agréable. Très bien, mais moi, je ne suis pas de la fête. Me trouver à la même table que ce marchand de légumes? Fi, l'horreur! Il me semblerait voir ces malheureux prisonniers se retirer les morceaux de la bouche pour les mettre dans mon assiette. Ce qui serait un spectacle peu ragoûtant. Avec ça, qu'ils sont si intéressants, tes réclusionnaires, répondit avec quelque humeur Ouzelot, désespéré de se voir engagé dans cette impasse. Papa, fit en riant Maximilien, tu deviens réactionnaire. Je serai obligé d'avertir ton comité électoral. Voyons, Max, dit Ouzelot, en pressant les deux mains de son fils d'une étreinte presque suppliante. Ne me refuse pas. Viens dîner avec moi chez cet homme. « Du moment que tu y tiens à ce point-là, j'irai certainement, mon pauvre papa, » dit Max en embrassant son père. « Un mauvais dîner est bientôt passé. D'ailleurs, ne m'as-tu pas raconté qu'il avait une fille ?»« Ah, tu te rappelles ? Cette Colombine va nous faire manger d'affreux arlequins. Mais je t'avertis, si je n'ai rien d'autre chose à me mettre sous la dent, c'est sur elle que je me rattrape. Je lui ferai une cour scandaleuse. Tu feras tout ce que tu voudras. » dit le docteur presque joyeux, en rendant à Maximilien son embrassade. « À demain, viens me prendre à 5h30. Il paraît que Mathusem dîne à 6h. »« À 6h ? Il est complet !» Le lendemain, à l'heure dite, le docteur et son fils entraient au numéro 24 de l'interminable rue des Vinaigriers, dans un de ces bâtiments dits « maisons d'ouvriers », dont les cours sont généralement la proie d'échelles, de planches, d'enclumes et autres impedimenta aussi difficiles à franchir qu'à énumérer. Du rez-de-chaussée au 4e, l'escalier allait se rétrécissant d'étage en étage. À partir du 4e, l'immeuble tournait au pigeonnier. Heureusement, le carré où ils s'arrêtèrent donnait encore place à un homme de grosseur moyenne. À peine la porte de l'appartement, occupée depuis 20 ans, par Mathusem, ce fut à l'ouverte, devant les deux invités, qu'ils se trouvèrent encaissés dans les parois d'un corridor servant d'antichambre, et tellement étroit que Mathusem se crut obligé de s'en excuser. Il leur expliqua que le propriétaire, ancien entrepreneur de maçonnerie, avait taillé dans ce couloir à tout faire une cuisine et des cabinets de telle sorte que le visiteur devait renoncer à y passer autrement que de profil. C'est seulement dans la salle à manger qu'il reprenait sa surface. Le jour de l'emménagement, l'exiguïté de ce boyau n'avait pas permis au commissionnaire de monter les meubles autrement que par la fenêtre. Et le gros du ménage, ayant été endommagé sur plusieurs points pendant l'ascension, Mathusem avait argumenté de ce prétexte pour se dispenser d'abord de changer d'installation afin de ne pas exposer ses canapés à de nouvelles catastrophes, ensuite de renouveler son meuble, ce qui était en même temps renouvelé des avaries que 20 années d'usage avaient d'ailleurs sensiblement aggravées. En outre, racontait le fournisseur juré, près des prisons et maisons centrales, un peu honteux de la forme de ses ottomanes et aussi de leur fond, Madame Mathusem, hydropique depuis 3 ans et très enflée du côté des jambes, qui lui refusait obstinément tout service, habitait probablement à perpétuité entre les bras d'un fauteuil à roulette dont aucune puissance humaine n'aurait pu la faire déloger. Or, le fauteuil était trop large pour passer par la porte, Et Madame Mathusem, ne pouvant décemment déménager par la fenêtre, il fallait de toute nécessité attendre sa mort pour quitter l'appartement de la rue des Vinaigriers où la malheureuse impotente se trouvait ainsi bloquée pour toujours, comme dans une enceinte fortifiée. Mathusem, que rien ne démontait, se sentait toutefois extrêmement impressionné en présence de deux hommes du monde, si différents de son entourage ordinaire. Il se trompait de porte, enchevêtrait ses pieds dans les déchirures des tapis. À une question de Maximilien, il répondit « Oui, madame ». Il fit entrer ses deux convives dans une pièce carrée, tellement tapissée de carton vert du plancher au plafond, que la couleur du papier de la chambre, si toutefois la chambre avait un papier, et si ce papier avait une couleur, restait à l'état de devinette. « C'est ici mon cabinet de travail, » dit le fournisseur. Bouzelot fils pensa que pour mener ses invités dans un cabinet de travail, en attendant que le dîner fût servi, il fallait être privé de salon. Bouzelot père, lui, en voyant tous ses cartons étiquetés et numérotés, pensa que l'un d'eux contenait sans doute son dossier. Au coin, la cheminée, dont le marbre noir était fendu dans toute sa longueur, deux flambeaux en galvanoplastie, d'un modèle écœurant, et au milieu, posé sur un pied-douche en sapin, simulant l'ébène et protégé par un verre bombé, une tête d'homme évidemment moulée sur nature. Maximilien regarda ce plâtre, qu'il prit d'abord pour le masque de quelque célébrité défunte, Napoléon ou Jean-Jacques Rousseau. C'est la tête de Nouillet, vous savez, l'assassin, qui a été récemment guillotiné à Versailles, fit gracieusement Mathusem. Le mouleur l'a tiré une épreuve spécialement pour moi. Je suis allé le voir exécuter, et croyez-vous que Léocadie a voulu absolument venir avec moi? Les femmes sont impayables. Ouzelot père lança un regard exaspéré à celui que la nécessité faisait son complice. Mathusem comprit qu'il avait commis ce qu'au boulevard on nomme un impair, mais il ne trouva pour le réparer d'autre correctif que ses paroles « C'est une bien bonne petite fille. » Une androgyne de 5 pieds 5 pouces, pouvant marcher sur 38 ans et toute dépeignée, ouvrit à ce moment la porte du bureau en criant d'une voix de cantinière « Monsieur, la soupe est sur la table !» La salle à manger où l'on passa était le triomphe du plaquage en noyer. Buffet en noyer, table en noyer, chaise en noyer, console en noyer, dont les teintes primitives avaient été décomposées par un dévernissage progressif. L'entrée du potage coïncida avec celle de Léocadie. Le docteur, aussi inquiet de la présentation que son fils y était indifférent, s'aperçut tout de suite que Mademoiselle Mathusem était tout en buste. Un front découvert, où son père avait constaté avec joie la bosse du calcul, avançait comme une corniche sur des yeux noirs qui eussent passé pour grands et bien dessinés si l'ombre portée par ce maudit front les avait tenus dans une sorte de nuit perpétuelle avec laquelle ils se confondaient. L'arête du nez était quelque peu tranchante, la bouche grande, mais les lèvres étaient rouges et les dents fort belles. Bien qu'elle n'eût que 21 ans, elle en paraissait environ 24. Et elle se rendait certainement compte de cet écart. Sa toilette avait pour principal objectif de lui donner l'air pensionnaire. Elle portait une guimpe en mousseline blanche à petits pois, recouverte d'un corsage décolleté en foulard violet à bretelles. La jupe, également en foulard violet, complétait un costume de distribution de prix, assez peu en harmonie, avec le visage énergique et déjà marqué de la jeune fille. L'ordonnance de ses cheveux noirs était le résultat d'une étude approfondie des derniers numéros de la mode illustrée. Elle avait jeté son dévolu sur la coiffure numéro 3, laquelle n'était qu'un entrecroisement de canons, de boudins et de nattes, formant des collines, des vallées et des routes stratégiques dans les sinuosités desquelles nous ne nous engagerons pas. « Elle est avertie, » se dit Ouzelot, en la détaillant. « C'est la toilette d'une femme avertie. Puisse-t-elle produire son effet, bonté du ciel ?» L'examen auquel se livrait le docteur fut interrompu par un roulement, rappelant le bruit d'un vélocipède en marche. Et le fauteuil de Madame Mathusem entra, garni de sa pensionnaire, et traîné par la virago dont nous avons parlé plus haut. La mère de Léocadie n'avait plus ni forme ni âge. On la poussa à la table comme à une mangeoire. Elle adressa aux deux étrangers un salut de la tête qui ressemblait plutôt à un mouvement convulsif et, saisissant sa cuillère d'une main tremblotante, elle la plongea dans son assiette et essaya de porter à sa bouche une ration de bouillon dont une moitié tomba sur la nappe et l'autre moitié sur elle. Léocadie était l'âme de la maison. Elle ordonnait, découpait, servait, sans que son père songeât à autre chose qu'à la dévorer des yeux. Les 5 pieds 5 pouces de la cuisinière, Elvire, elle s'appelait Elvire, s'inclinait avec respect et frémissement devant la demoiselle. Cette terreur n'était pas absolument sans objet. Mathusin, qui disait volontiers de sa servante « c'est une perle », avait découvert cette perle dans la maison d'arrêt de la Ferté-sous-Jouarre, où cette fille de la Beauce venait d'être écrouée sous la prévention d'infanticide. Son ardeur au travail et l'incroyable dextérité qu'elle déployait dans le raccommodage des serviettes de la prison avaient attiré l'attention de l'entrepreneur qui, moyennant un demi-litre de vin par jour, ajouté à l'ordinaire que vous savez, obtenait de sa détenue des miracles de labor improbus. Un jour que la prévenue avait dépassé toutes ses espérances, il lui avait mis à la main ce marché, digne pendant de celui qu'il devait proposer plus tard au docteur Rousselot. « Si vous voulez vous engager, au cas où vous seriez acquitté, à entrer en service chez moi, pour 5 francs par mois, le blanchissage et la nourriture, je me charge de votre affaire. » Elvire s'était jetée à ses pieds en l'appelant son sauveur et son maître. La semaine d'après, elle était rendue à la liberté en vertu d'une ordonnance non-lieu, et le soir même, elle venait se remettre corps et âme entre les mains de son autocrate. Avec son activité dévorante, elle eut facilement trouvé de ses deux bras 30 ou 40 francs par mois. Mais Mathusem lui avait fait comprendre qu'une ordonnance de non-lieu n'était pas un acquittement, en ce sens que le procès pouvait toujours être pris sur de nouveaux indices, et que la moindre tentative d'évasion pourrait la mener beaucoup plus loin qu'elle ne voudrait. Elvire avait protesté de son désintéressement et baisé humblement son collier de misère. Léocadie faisait marcher au doigt et à l'œil cette ilote, et Mathusem était heureux de montrer sa fille dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales. « Ah, disait-il, à chaque prescription ordonnée par la jeune fille, c'est que la petite n'est pas manchotte. Figurez-vous qu'elle tient mes comptes comme un homme. Je lui donne 55 000 francs de dot, mais elle les a parbleu bien gagnés. » Malgré ce pas léger qui revenait à tous les plats, comme une ritournelle, la conversation se traînait languissamment. On parla des bénéfices de la maison. Mathusem se disposait à traiter avec les administrations de 3 prisons nouvelles. « À ta place, papa !» dit mademoiselle Léocadie, j'exigerais qu'on fît lever les détenus 1 heure plus tôt. Ils peuvent parfaitement être debout à 4 heures du matin au lieu de 5. C'est perdre 1 heure sans profit pour personne. 1 heure de travail pour 6 000 prisonniers donne 6 000 heures par jour, car nous avons 6 000 prisonniers. 6 000 prisonniers, fit Max, jouant l'admiration. C'est plus qu'on en a fait dans toute la campagne du Mexique. On en vint à reparler du masque en plâtre exposé sur la cheminée du bureau et de l'exécution de l'homme que Mathusem était allé, en compagnie de sa fille, voir guillotiner sur une des places de Versailles. « Elle est bien morte, dit la jeune fille. » Le docteur Rousselot tressautait sur sa chaise comme un castique sur le grill. Maximilien, qui n'aurait demandé qu'à rire, perdait peu à peu toute idée de batifolage en présence de cette Catherine II qui voulait faire lever les condamnés à 4 heures du matin, assister à des exécutions capitales et donner son avis sur la désinvolture des suppliciés. À l'issue du dîner, une rêverie de Roselaine sur le piano, par là même, rendit une certaine gaieté à Max. « Dieu, comme je rirais si je ne tombais pas de sommeil, dit-il tout bas à son père. Vers 2 h 3 quart, il commença à le tirer par la manche avec une telle insistance que le docteur finit par prendre un congé qu'il soupçonna fort d'être définitif, tant l'attitude de son fils était navrante. Maximilien, réveillé par l'air de la rue, alla finir sa soirée aux variétés. Quant au docteur, il se vit cette fois bien décidément pour du bouffon. Entrer dans cette famille-là est aussi inadmissible pour Maximilien que de se faire valet de Brault. Tous les raisonnements du monde ne parviendront pas à lui faire prendre au sérieux une fiancée de cet acabit. Et l'autre qui faisait sonner les malheureux 55 000 francs qu'il donne à sa fille, comme si Maximilien ne savait pas que je lui laisserais un jour 40 000 livres de rente. C'est à se tuer. Et il interrompit ses soliloques pour se reporter à cette députation dont la perspective l'éblouissait, qu'il s'était en quelque sorte laissé imposer au début, et maintenant qu'elle lui glissait des mains, qu'il aurait, comme s'il agirait un marathon, voulu retenir avec les dents plutôt que de la laisser échapper. Sa colère, qu'il promenait alternativement sur tous les auteurs de sa chute, alla jusqu'à se tourner contre Maximilien. Il est mon fils, après tout, se disait-il. Si je lui faisais entendre résolument que ma volonté est que ce mariage ait lieu avant la fin de l'année, je suis curieux de savoir comment il s'y prendrait pour me désobéir. Que je suis naïf, il m'enverrait promener tout simplement. Aujourd'hui, les enfants traitent leur père comme des domestiques, et même moins bien. Ils ne nous savent aucun gré de nous sacrifier pour eux. En revanche, si nous leur demandons de se sacrifier un peu pour nous, ils nous reçoivent avec la pelle et le balai. Pourtant, s'ils me disaient, papa, voici une femme que tu ne connais pas, c'est vrai, mais qui est en résumé une honnête femme, eh bien, l'honneur de mon nom qui est le tien, le bonheur de ma vie, tout enfin exige que tu l'épouses. Est-ce que j'hésiterai, tout vieux que je suis, tout millionnaire que je serai un jour? Cette dernière réflexion prit corps dans son cerveau. Tout lui dire, s'écria-t-il. Oui, il saura comment je suis tombé dans les mains sales de ce Mathusalem. Dans quel but nous sommes allés bâiller tous les deux à ce dîner grotesque. Il saura qu'en prenant pour femme Mademoiselle Léocadie Mathusalem, il me donne 30 000 voix, le titre de député et peut-être un portefeuille, tandis qu'en refusant la main qu'on nous offre, il me sape par la base et me prépare la plus épouvantable des vieillesses. Oui, mais un homme de mon âge et de mon importance, faire à un enfant, mieux encore à son fils, l'aveu de ce secret, non pas seulement pénible, mais ridicule. Ah, bah, après tout, je suis veuf, presque garçon. Max me raconte bien ses fredaines. Je n'ai aucune raison pour lui cacher les miennes. D'ailleurs, il y a tout à gagner pour nous, à ceux qui tiennent à cette histoire de moi, plutôt que s'il apprenait par d'autres.